Il fait froid à Paris. Oui, et d'après la météo, il fera encore froid demain. 1. Il fait chaud à Séville. Oui, et d'après la météo, il fera encore chaud demain. 2. Il pleut à Londres. Oui, et d'après la météo, il pleuvra encore demain. 3. Il neige à Moscou. Oui, et d'après la météo, il neigera encore demain. 4. Il y a du vent dans le sud. Oui, et d'après la météo, il y aura encore du vent demain.